Je m'éloigne chaque jour un peu plus. Et les bruits de la ville de mon enfance sont loin désormais. Lorsque j'ai entrepris ce voyage, j'avais à peine 20 ans. Et plus de 16 ans se sont écoulés. Exactement 16 années. Chaque nouveau jour les éloignait davantage et voyait se présenter à moi des gens qui se déclaraient mes vassaux et parlaient ma langue. Le long ruban de mes compagnons se déroule inlassablement sur les flancs des collines, le long des rivières et au fond des vallées. La diversité et la richesse des paysages que nous traversons repoussent inlassablement jusqu'aux limites de l'horizon. Il m'arrive parfois de croire que les boussoles qui nous guident se sont affolées, et que nous décrivons en fait un cercle sans jamais nous éloigner de la capitale. Mais plus souvent, il me semble que les frontières n'existent pas, que le royaume s'étend sans limite, et que mon voyage ne connaîtra jamais de fin. Je n'en ai parlé à personne, mais depuis quelques jours, j'aperçois, le soir, alors que le campement dort déjà, une lumière diffuse sur un point du ciel. Bien sûr, je ne sais pas ce que ça signifie, mais cela pourrait être un signe, peut-être à la fin de ma quête. Ces plaines. Pour revenir, fléchissant sous le poids du temps, dans cette ville que j'ai quittée, et où d'aucuns se souviennent de cette folie qui a poussé un jour un jeune prince à partir, aurais-je le courage de revoir les visages aimés qui porteront désormais les marques de souvenirs où je n'existerai pas.